Zego baga de ouro. Pera bonzo. Zego baga de ouro. Bienvenue à tous sur le 96.2. Si vous venez nous rejoindre, Chantal avec vous jusqu'à 16h30 pour votre émission Groupe Tropical. Je vous souhaite un très très bel été en notre compagnie cet après-midi au programme du Zouk, du compas rétro, du Zouk rétro, en tout cas tout ce qu'il faut pour une très très belle ambiance ensoleillée. Et on va commencer tout de suite avec le tout dernier titre interprété par Jacob de Darieux, accompagné de Machal Montano. C'est dansé. Dengue, dengue, dengue, dengue, dangadé. 14h, 16h30, c'est Chantal qui vous accompagne avec votre émission Groupe Tropical. Thank you. miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. On ira jusqu'au bout. Je sais que tout est flou. Est-ce qu'on tiendra le coup? Je ne sais pas quel le bonheur. Un jour viendra-t-il vers moi? Est-ce que tu ressens cette douleur? Pourquoi ne veut-il pas nous laisser vivre sans peur? N'ont-ils pas compris nos cœurs? Je m'en ai hésité à s'éveiller. Ou ça qui veut dans le passé. Pas la bouche, baby, moi, non, tout bon vrai. Parce que chérie. C'était 2020 avec le groupe Charisma et les deux chanteurs du groupe Charisma pour un superbe single qui s'appelle Paré. Restez bien calés sur le 96.2, vous les amateurs de très bons compas. Je propose tout de suite un medley. Oui, ça date des années. Finalement, on ne sait pas trop. Mais je pense que ça va vous rappeler plein de souvenirs. En tout cas, j'ai sorti de mon frigo et je me suis bien éclatée. Très très bon après-midi en ma compagnie, Chantal avec vous jusqu'à 16h30, c'est votre émission Groupe Tropical. Nous gagnons. Thank you. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. 16-2. La FM en couleur. Bataille en vacances. Sous la de l'école Haïti, you know you've been party. al fè vakans a Paris, lè l'école li tsounè. Dix ans mes gens t'a bien mené. La petite salle pas connaît, la petite les chrétiens, pas c'est notre été. Ou même fait le sait tout, ça veut pas dire que tu sais tout. L'autre là qui t'aime parler, sans dire moi sans riposter. Les filles nous vergolent, qui nous gonflent, mon Dieu c'est fort. L'autre là dit mon ami, me parle pas y'on des filles, nous toutes pas saisies. Toujours à prier, toujours à prier. Nous avons vocation, c'est une grande mission. Carol qui a volé, et quand elle s'accrue, adieu, on te donne des filles. C'est pas une bataille, nous gâtons devant la société. Posons, vous avez Miami, mes compagnons. En attendant, Richie, Joe, moi, le David Sandé, et puis plein musique, non? Marco Antonio, Rodel Villa, Richie, vous avez. Bral dit le monde entier en bagarre, Bral répond aux questions là. C'est pas changer, nous changer. Est-ce que rap capable? Est-ce que rap capable? Si moi une phrase singulière, t'as demandé pour mettre l'eau prière. Est-ce que rap capable? Est-ce que rap capable? Bon, Roberto, il parle avec moi, n'est-ce pas? Ou pas capable? Rap capable. Ou pas capable? Sans nous bagager, on est là. Ou pas capable, pas capable. Ou pas capable, pas capable. Ou pas capable, pas capable. C'est qui l'autre, yo? Le bal gocal de Madame Pascal est comme un bal mondial. C'est la coque de Madame Pascal, son corps de coco. Le bal gocal de Madame Pascal est comme un bal mondial. C'est la coque de Madame Pascal, son corps de coco. Hit me again. Ou pas capable. C'est des enfants capables. Tout le monde dit, tout le monde dit pas bon. Ou pas capable. Ou pas capable. Ou pas capable. Petit joueur dans mon là. Ok. Le bal gocal de Madame Pascal est comme un bal mangal. C'est la coque de Madame Pascal. Son corps est beau. Dis sous cap. Le bal gocal de Madame Pascal est comme un bal mangal. C'est la coque de Madame Pascal. Et puis pendant qu'on a de la stigma, wow! Oui, laisse la grenade! Uchi, comment faire, oui? Avant de camper. Et puis qui j'a ça? Jazali Papla, c'est nous qui sommes. Yo Richi, yo dis mon nom Chab. C'est pas Chab, c'est nous. Oui, y'a mon l'autre nom. pas mesuré. Sans pas connaître en série. Mathématiques pas une science universelle. Connaissance pas mesuré. Ou pas comme longueur l'amour. Extrait de leur tout dernier album, c'est un best-of pour fêter leurs 20 ans de carrière. Le groupe Zinglin, et c'était Interlude, moi j'aime bien. C'est mon groupe fétiche, que voulez-vous? Zinglin. Ah, wow. 14h, 16h30 chaque jeudi, c'est votre émission Groupe Tropical. Et ça se passe comme ça. Je l'avoue, notre histoire c'est compliqué. Je tiens à toi, je tiens à nous. Pourquoi tout abandonner? Savais déjà que toujours que t'es parti. J'ai perdu l'appétit. Tu comprends bien que je ne peux pas continuer ma vie sans toi. Tes regards, tes bisous, tes câlins, j'ai validé. Moment en tête à tête, oui, j'ai validé. Je suis tellement bien avec toi, baby, t'as pas idée. Non, ne me laisse pas tomber. À l'odeur de ton corps, je me suis habitué. Le parfum de tes cheveux sur mon oreiller. Les câlins sur ta bouche, je ne peux plus m'en passer. Doudou, reviens-moi. Je veux sentir ton corps dans mes bras. Yeah. Girl, you know my love for you is forever. Yeah. Et j'ai envie de cacher corps à corps avec toi. Oh. Girl, you know my love for you is forever. Oh. Prise de tête et en brouillant nous n'aura. Tes bons moments c'est plus que sûr on en aura. Vouloir ou pas tu resteras ma nana. Laisse-moi te prouver que je veux être avec toi. Oh, il est donc déjà nous qui t'avait séparé nous. Le pavé vrai nous fait fort. Je n'ai pas nous réconcilier. Après pour marier fais de toi petit bébé. En quitté au palais. Regarde tes bisous, tes câlins j'ai validé. Mon bon en tête à tête oui j'ai validé. J'ai tellement bien avec toi baby t'as pas idée. Non, ne me laisse pas tomber. À l'odeur de ton corps, je me suis habitué. Le parfum de tes cheveux sur mon oreiller. Les câlins sur ta bouche, je ne peux plus m'en passer. Doudou, reviens-moi. J'ai envie de sentir ton corps dans mes bras. Girl, you know my love for you is forever. Hey, j'ai envie de cacher corps à corps avec toi. Girl, you know my love for you. My love for you is forever. Obando, tu m'as tourné le dos. Obando. Avec toi, you know. que je ne t'avais pas vu. T'as pas changé, toujours le même sourire. L'autre jour, je n'ai pas osé venir te parler. Mais je ne vois plus personne depuis des mois. Je sors d'une histoire, mais c'est loin de moi. Et toi, dis-moi tout, je veux tout savoir. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Baby girl, oh, oh, nana, oh, c'est assez con. De vivre sa vie quand l'amour s'en mêle, on s'en sort pas. On se déteste ou au meilleur on s'évite, mais on y perd seulement à chaque fois. Tu dis que ce que tu veux de moi, ce n'est qu'un tour, qu'une amitié sans loi. Je ne veux pas d'un amour qui s'en va, mais d'une danse intense avec toi. Paradis secret, you and I, oh. c'est même un ciel. Quand nous aimons pas, nous faisons l'amour juste en ouest au soleil. Oh girl, au cabaret, you are my sex friend. Oh yeah, chaque mot talk a fait mes frémis. Mais pour j'aime, il faut j'aime, il faut plaisir. Surtout sous nous, ses amis. Ouais, mais n'aime loin où ça demande là depuis où besoin. Je m'en savais si ça ou aimé. Oh yeah. Ou sa sa mani ba ou e mwen vanilo. Pe ki sex ki ni yon nou. E mwen ta ki fe sa. Just fe men la pot la. E yon nou voyaje lwen. Ni pou sa ki ta ou. Sa sa mani ba ou e mwen vanilo. Pe ki sex ki ni yon nou. Ou ta ki fe sa. Just fe men la pot la. E yon nou voyaje lwen. Photo, yon image qui vaut mille mots, et c'est juste ça qui est blessé. Avant vigre d'où aller, ou t'es dit la vie ou vage, ou t'es naïf, l'intérêt même, que ça va bien arriver ou encore. C'est dommage pour le monde. Mais c'est dommage pour le monde. Si vous êtes à même pour pas progresser, est-ce que vous jouez au monde comme la semaine à terre? Est-ce que vous jouez au monde fait au clavier? Est-ce que vous jouez au monde comme la semaine à terre? Mais c'est dommage pour le monde. Je dis à vous, elle n'est pas sensé. Mais est-ce que vous jouez le monde pour la soirée de guerre? Est-ce que vous jouez le monde fait au la veille? Est-ce que vous jouez le monde pour la soirée de guerre? Si vous jouez le monde, est-ce que vous jouez le monde fait au la veille? Ici Guyana, bato. Thank you. compliqué. C'est vie moi tu l'es montré. Nous sommes celles voisins de moi. On dit tous les jours, pas bon moi l'amour. Tu l'es tout doux. Vous et moi, oui, pour toujours. Y para entonces no tendremos miedo. Quédate. se tome un respiro. Mira hacia el cielo y llora por todo lo que se ha perdido. Cuídate tú y dale valor a tus seres queridos. Quédate en casa, cuando esto termine estaremos unidos. Quédate en casa y deja que tu casa se tome un respiro. Mira hacia el cielo. Yeah. volver a caer. No se para de mover. Tú le estás fronteando y se tiene que defender. Ella quiere beber, bailar hasta el amanecer. La del poder, el party se acaba de encender. Dale pa' arriba, dale pa' abajo. Oh, mira el flow que ella trajo. Yo conozco el atajo. Dale pa' arriba, dale pa' abajo. Esta noche hay pelea con su cintura de fajo. Vamos a ponerle un toque boricua a esto. Salir de, on aimerait qu'elle allait. Si nous c'est un week-end prolongé, prolongé. Nous finis décompressés. Levez la main, on Je m'en

Check it. All the freaky things we do, better stay between me and you, know what I'm saying? Facts. Nobody has to know, though, if I give you that flow, though. Why? Me just go ya, Bagaila, nobody has to know, though. I give you gold, though. Never was separate. Magic to you, Christelle, tout nouveau groupe sur les ondes du 96.2, tout nouveau groupe de compas avec ce titre. I like compas, ça tombe bien parce que nous aussi. En tout cas, je pense qu'on va en entendre parler de toi. C'est un très très très très bon album. La preuve, j'arrive pas à tenir en place. Allez, il est presque 16h sur la FM tout seul. Tant couleur, on va continuer comme ça, mais cette fois-ci avec un groupe que vous connaissez bien, puisque c'est Chacota. Hey, nous, quel problème? Faut parler. Chacota, comme d'avant, chasse-pays. Faut parler. Parler, pas que la vie. La joie en Castille. Moula Bache sous Fabla. Moula Bache l'hôpital. Équipe Royal Fan. Nous t'avons de la guéoui. Bouchon, taille micro pour lui. Chantez pour peuple là. Oui, problème le film public. Chaque jour, mon affectif sans justice. Oh, ça fait triste, personne pas qu'à faire business. Moun pas à l'abri, la PIA. Prison chargée, il en a pas joué. Oh, si moun pas qu'à à l'école, PIA sans contrôle, il s'en fout faire. La vie pas y'en joué, d'un prix, puis gagne 33 dans l'autre. Ababa Janai, bon homme. Yo pas je voulais t'entendre. C'est pas les cabines fin passé. La ville elle est barrée. Souké. Il est pour nous penser. Solution on s'est d'être ensemble lié. Nous l'aimons l'amour. Parle parole, belle promesse. Condition la ville, pas jamais changer. Haïtien, nous vous mettons trois. C'est ce qu'on trouve. On va y la vie. La coupe comme un homme. Pour que dans légal ou fragile, pas qu'un travail pour t'y négé des familles. Hey, chômage à multiplier. Pour comporter ta net, tout n'est tout crié. Ta ta corruption pour l'éliminer. Mais si elle t'énorme, nous pour t'y soit liquider. Nous bouquer, nous fatiguer. Mani kwe ou mne kontrole Kem batan kou balon basket E pin tou voye Mre te mwem pou son troasyem ye Mou pole nan do tan pou la kol Dan kou yon brake Mta kontre ki deraye Ma pou ide ou nan kou kwe tan kon chien raje Ou va kompren rezon m'obsede Fom sa son virus depi l'instant ou li tou provaje Ou son esprit ou ante kem mwe Ou zon vole, ou vole ta kwen Ay, jè ou barye Ou fè lè mwen, ou baga kontrole mwen Ay, mwen zon gade Tan pou yon mizi pou mwen mou transpose mwen Jè ou barye Ou fè lè mwen, ou baga kontrole mwen Non, non Ay, mwen zon gade Tan pou yon mizi pou mwen mou transpose mwen Ay, oy, mbaga kontrole mwen Baga kontrole mou Fran rimont l'okrasi mouton yo ou soude kontrole mou E ou kon vazon manje E ou kon vazon bouje Ou kon jan bouje ransou mè mou soude kontrole Mgon na te a mou senti ma fly Oh ay Mba fime mè mou senti ma ay Oh ay Oh ay Oh ay Ou vèm chante tan kou blak alek Si mou Oh ay Oh ay Ou vèm jante nan pou blak a yèm Di mou mou mou ay Che ou barièm Ou fè lèm mwen ou baga kontrole mwen Ay Mou joun gandèm Tan pou yon mizi pou mwen mou transpose mwen Che ou barièm Ou fè lèm mwen ou baga kontrole mwen Non, non Ay, mou joun gandèm Tan pou yon mizi pou mwen mou transpose mwen m'pa bo bom la fwa sa m'pa kwe ou jos enkwayabe. Se pa zak fen konfye, se destine fen kwaze tout se kou vle marye. Marye, marye, marye, ou met marye ave. Marye, ou marye, ou marye, ta pri marye ave. Arc-en-ciel 96.2 La FM, la FM en couleur. À tenir, je ne veux plus tout le temps mentir. Toute ma main après pocher, fort moins tout la vérité. C'est en moi mon faiblesse, et au moment sans réfléchir. Mais à présent, me réaliser que c'est où me plaît. Yeah, yeah. Pour l'amour, nous dirait fort nous guette sincérité. Quand je viens au monde qui aime, on faut apprendre à respecter. Pour nous avancer, pour nous continuer ensemble, faut qu'on ait confiance. C'est par hasard que je découvre que tu te joues de moi depuis des années. Jamais je n'aurais imaginé que tu vivais une double vie. Un jour pour moi, l'autre pour lui. C'est ma plus grande trahison. Ma chambre en ces relations, ça tape et vos déceptions. Oh, oh, oh. Pour l'amour, nous dirait fort, nous guérons ces sincérités. Quand je viens au monde qui aime, on faut apprendre à respecter. Pour nous avancer, pour nous continuer ensemble, faut qu'on ait confiance. Faut qu'on ait confiance. Destiné. Original, ah. tan kout de ti moun fou. Mwen pa te kapab imagine ke chak jou tam gade m nan jè doudou. A bon m koupan de jou an jou. Hey, fò pou m tout a gou. Che yon konen pou y vol. Pa la nek sa kon toi. M konen de bo mati. M konen son don don. Che yon konen pou y vol. Chou pa kon pa krasè kèk mwen. Che yon konen pou y vol. Pa la nek sa kon toi. M konen de bo mati. M konen son don don. Chou pa kon pa krasè. Entre nous deux c'est la guerre. Quand on parle elle me traite de macho. Donne des leçons, prends pour ma mère. Elle me plaît mais il faut être costaud pour supporter son caractère. Elle me veut, il n'y a pas photo. Et c'est ça qui lui fout les nerfs. Son homme est loin de contrôler. Moi y'a pas moyen qu'on me mate. Si elle espère me changer, comment s'y prendra-t-elle? J'ai hâte. Elle était avant, dans le compliment, dans le sentiment. Elle n'a plus de temps. Si de boniment, de boniment, de boniment, de boniment. Elle était avant, sous les compliments, sous les sentiments. Elle n'a plus de temps. Si de boniment, de boniment, fais plus de boniment, de boniment. Elle est jalouse, critique toutes les go. Elle m'imagine toutes me les faire. Pas payer quand on va au resto. Elle veut que personne ne la gère. Je ne lui ferai aucun cadeau. Vu qu'elle est remplie de manières. J'espère que nos débats seront chauds. Pour moi là on fera la paix. Son homme elle doit le contrôler. Moi y'a pas moyen qu'on me mate. Si elle espère me changer, comment s'y prendra-t-elle? J'ai hâte. Elle était avant, dans les compliments, dans les sentiments. Elle n'est plus de temps. Si de boniment, de boniment. Elle était avant, sur les compliments, sur les sentiments. Elle n'est plus dedans, c'est des boniments. De boniment, c'est plus de boniment. De boniment. Comment s'y prendra-t-elle? J'ai hâte. Elle était avant, dans les compliments, dans les sentiments. Elle n'est plus dedans. C'est de boniment, de boniment, de boniment, de boniment. Elle était avant, sur les compliments, sur les sentiments. Elle n'est plus dedans. C'est des boniments, de boniment, plus de boniment, de boniment.

parce que 16h30 sur la FM tout en couleur, il est l'heure pour moi de vous quitter. Je vous retrouve pas la semaine prochaine. Et non, je pars en vacances. Je vous retrouve dans un tout petit mois. Je vous retrouverai vers la mi-août environ. Je sais plus quelle date exactement, mais je suis sûre que vous resterez fidèles au 96.2. Et puis vous allez surveiller les ondes pour me retrouver. En tout cas, moi je vous souhaite à tous un très très bel été. Restez fidèles au 96.2. Je vous dis une très très bonne après-midi, un très très bon week-end et à bientôt. Au revoir.